Les actions militaires après la bataille du Fossé. Le meurtre de Sallam ibn Abi al-Huqayq. Sallam ibn Abi al-Huqayq, Abu Rafi', était un juif profondément hostile à l'islam. Il avait contribué au rassemblement des coalisés et leur avait fourni beaucoup d'argent et de vivres, car il cherchait sans cesse à nuire au prophète, alayhi salatu wassalam. Quand les musulmans eurent mis un terme à la rébellion des Banu Qurayza, la tribu des Khazraj demanda au prophète alayhi salatu wassalam la permission de le tuer afin d'égaler en mérite les Haous qui avaient tué un autre juif foncièrement hostile à l'islam, Ka'b ibn al-Ashraf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donna son aval à condition qu'aucune femme et qu'aucun enfant ne périssent. Ainsi, un groupe de 5 hommes, tous issus des Banu Salama, avec à leur tête Abdullah ibn Atiq, se dirigea vers Khaybar où se trouvait le fortin d'Abu Rafi'. Quand ils furent parvenus à proximité, à l'heure du coucher du soleil, Abdullah conseilla à ses hommes de rester un peu en retrait, tandis que lui-même s'avança vers la porte du fortin. En s'en approchant, il se camoufla dans son manteau comme s'il faisait ses besoins. Lorsque les gens du fort entrèrent, le gardien le fit pénétrer pensant qu'il était l'un des leurs. Abdullah ibn Atiq a dit « J'entrai donc et je me dissimulai. » Une fois que tous ceux qui étaient présents furent rentrés, le portier ferma la porte et suspendit ensuite les clés à un poteau. J'allai alors vers les clés, je les pris et ouvris la porte. À ce moment, Abu Rafi' discutait avec ses amis comme il le faisait tous les soirs dans ses appartements situés à l'étage supérieur. Quand les gens avec qui il avait discuté furent partis, je montai chez lui en prenant soin toutes les fois que j'ouvrais une porte de la refermer derrière moi pour qu'on ne pût pas entrer. De cette façon, je pourrais, au cas où certains s'apercevraient de ma présence, le tuer avant qu'il ne puisse arriver jusqu'à moi. Je parvins ensuite auprès d'Abu Rafi' qui se trouvait au milieu de sa famille dans une pièce obscure. Comme je ne savais pas dans quelle partie de la pièce il se tenait, je dis « Abu Rafi' ». Il demanda « Qui est là ?» Alors je me précipitai dans la direction de la voix et assénai un coup de sabre, mais dans mon trouble, je n'arrivais pas à mes fins. Il poussa un cri et je sortis de la pièce. Après avoir attendu un instant, j'y retournai et lui dis « Que signifie ce cri, ô Abu Rafi'? » Il s'écria « Malheur à ta mère, un homme était dans la pièce, il m'a frappé tout à l'heure d'un coup de sabre. Je lui donnai un nouveau coup, plus violent que le premier, mais sans réussir à le tuer. Alors je lui plongeai la pointe de mon sabre dans le ventre et la fis ressortir par le dos. Sûr de l'avoir tué, je rouvris chaque porte l'une après l'autre et parvenu à l'escalier, j'avançai le pied, croyant être arrivé au sol. Mais malgré la clarté de la lune, je tombai et me cassai la jambe. Je la bandai avec mon turban et poursuivis ma marche jusqu'à la porte. Là, je m'assis en disant « Je ne sortirai pas cette nuit avant d'être sûr de l'avoir tué. » Quand le coq chanta, quelqu'un monta sur le mur et cria « J'annonce la mort d'Abu Rafi', le négociant des gens du Hijaz !» Alors j'allai rejoindre mes compagnons et leur dis « Sauvons-nous, Allah a tué Abu Rafi'a. » Revenu auprès du prophète alayhi salatu wassalam, je lui racontai l'aventure. « Étends ta jambe, » me dit-il. J'étendis ma jambe, il la frotta et il me sembla qu'aucune souffrance n'avait jamais émané de ce membre-là. Dans la version d'Ibn Ishaq, il est dit que les 5 hommes réussirent à s'introduire auprès d'Abu Rafi'a, participèrent ensemble à son élimination, mais que celui qui lui asséna le coup fatal fut Abdullah ibn Unaïs. La jambe de Abdullah ibn Atiq se cassa. Ils le portèrent et allèrent se cacher dans un conduit creusé dans le mur du fortin et n'en sortirent que lorsque les Juifs, désespérés de les trouver, arrêtèrent leurs recherches. Ils prirent alors le chemin de Médine. Cette mission eut lieu au mois de Dhul-Qirda ou au mois de Dhul-Hijja de la 5e année de l'Hégire. La Sariya, commandée par Muhammad ibn Maslama. Peu de temps après la bataille des coalisés et l'expédition contre les Banu Qurayza, le prophète alayhi salatu wassalam se mit à envoyer des expéditions punitives afin de contraindre les tribus arabes rebelles et agressives à coexister pacifiquement avec l'islam. Un détachement de 30 croyants placé sous le commandement de Muhammad ibn Maslama fut dépêché en mission au mois de Muharram de la 6e année de l'Hégire. Il se dirigea vers le territoire du clan des Banu Bakr ibn Kilab, les attaqua et les dispersa dans toutes les directions. Un important butin fut saisi par les musulmans qui retournèrent à Médine en ayant de plus capturé un idolâtre notoirement violent, Thumama ibn Uthal al-Hanafi, le seigneur des Banu Hanifa. Il avait quitté son peuple en vue d'aller assassiner le prophète, alayhi salatu wassalam, sur ordre de Mousseilima l'imposteur. De retour à Médine, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, l'attachèrent à un pilier de la mosquée. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, vint parler à l'homme en ces termes. « Comment vas-tu, Thumama ?» Celui-ci répondit « Je vais bien, Muhammad. Si tu me tues, tu auras tué quelqu'un du même sang que toi. Si tu me laisses en vie, je t'en serai reconnaissant. Si c'est de l'argent que tu veux, demande-en et tu en auras abondamment. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, le quitta pour ensuite revenir lui poser la même question et recevoir la même réponse. Passant devant lui une troisième fois, il dit après lui avoir posé la même question et reçu la même réponse « Libérez Thumama ». Dès qu'il fut libéré, l'homme s'en alla sous un palmier proche de la mosquée, se baigna puis revint embrasser l'islam. Par la suite, il dit « Par Allah, aucun visage au monde ne m'était plus haïssable que le tien, que je considère à présent comme le plus aimé de tous. Par Allah, aucune religion au monde ne m'était plus haïssable que la tienne, que je considère à présent comme celle que j'aime le plus. Tes cavaliers m'ont capturé alors que je voulais faire la Omra, le petit pèlerinage. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui ordonna alors d'effectuer la Omra. À son arrivée à la Mecque, les Qurayshites le traitèrent d'apostat. Il affirma seulement qu'il avait embrassé l'islam et il jura ensuite qu'il ne recevrait plus de céréales d'Al-Yamama, une région située à l'est de la Mecque qui était le grenier de la cité et d'où Thumama était originaire. Il exécuta sa menace jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, intercéda auprès de lui suite aux suppliques des Mécois. L'expédition contre les Banu Lihyan. Les Banu Lihyan avaient traîtreusement tué 10 des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, à Ar-Rajir. Leurs demeures étaient situées au cœur du Hijaz, près de la Mecque, et le désir de vengeance de Quraysh et des Bédouins envers les musulmans était très grand. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'avait pas alors jugé opportun d'avancer plus loin en territoire hostile, près de l'ennemi juré, Quraysh. Cependant, après la défection des coalisés et leur résignation quant au statu quo, le prophète, alayhi salatu wassalam, saisit cette chance unique et décida que le moment était venu de châtier les Banu Lihyan. Il se mit en route au mois de Rabi' al-Awwal ou au mois de Jumad al-Oula de la 6e année de l'Hégire à la tête de 200 combattants. Il fit semblant de se diriger vers la Syrie, mais ne tarda pas à changer de direction pour prendre celle de la vallée de Rarran entre Amj et Osfan, là où s'était produit le massacre de 10 de ses compagnons. Il s'y arrêta et invoqua sur ceux-ci la miséricorde d'Allah. La nouvelle de l'arrivée de l'expédition musulmane parvint aux Banu Lihyan qui, immédiatement, s'enfuirent en haut des montagnes alentours, se mettant ainsi hors de portée des musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demeura sur le territoire des Banu Lihyan 2 jours. Il marcha alors vers Osfan, d'où il envoya un groupe de 10 cavaliers à Qurra al-Ramim, situé à proximité des habitations des Quraychites, afin de confirmer indirectement son pouvoir militaire croissant. Il revint ensuite à Médine après une absence de 14 jours, il y avait désigné comme lieutenant Ibn Maktoum. La poursuite des expéditions et des raids. Le détachement de Ukash à Ibn Mirsan, composé de 40 combattants, fut envoyé en un lieu dénommé Al-Ramr, qui était un point d'eau appartenant aux Banu Asad dans la 6e année de l'Hégire. Les Banu Asad s'enfuirent sans combattre, abandonnant derrière eux 200 chameaux qui furent emmenés à Médine. Le détachement de Muhammad ibn Maslama prit, au mois de Rabi' al-Awwal ou Rabi' al-Akhir de l'an 6 de l'Hégire, la direction du territoire des Banu Tha'laba à Zilqasa. Il avait sous ses ordres 10 combattants, mais une centaine d'ennemis embusqués les tuèrent tous durant leur sommeil, à l'exception de Muhammad ibn Maslama qui, bien que blessé, parvint à s'échapper. Au cours du mois de Rabi' al-Akhir, et en guise de représailles contre les Banu Tha'laba, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, à la tête de 40 hommes, fut envoyé à Zilqasa. Marchant de nuit, le détachement prit l'ennemi par surprise à l'aube. Une fois encore, les Banu Tha'laba s'enfuirent dans les montagnes à l'exception d'un seul d'entre eux qui fut blessé et qui embrassa l'islam plus tard. Un butin important fut saisi à cette occasion. Le détachement de Zayd ibn Haritha fut dépêché au mois de Rabi' al-Akhir de l'an 6 de l'Hégire à Al-Jamoum, un point d'eau des Banu Sulaym situé à Mar al-Zahran. Une femme des Banu Muzayna, dénommée Halima, que Zayd captura, indiqua aux musulmans le lieu du campement des Banu Sulaym. Le détachement de Zayd fit des prisonniers et se saisit de leur bétail. De retour à Médine, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, libéra cette femme et la maria à l'un de ses compagnons. Au mois de Jumad al-Oula de la sixième année de l'Hégire, Zayd ibn Haritha prit à la tête de 170 cavaliers la direction d'Al-Is, où il intercepta une caravane des Qurayshites menée par Abul As, le gendre du prophète alayhi salatu wassalam. Ce dernier parvint à s'échapper et se réfugia dans la maison de Zaynab, son épouse et la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Il la pria de demander au prophète alayhi salatu wassalam de lui restituer les biens de la caravane. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, recommanda que les dépositaires du butin concerné restituent leur part, ce qu'ils firent alors sans tarder. Abul As revint alors à la Mecque, remit les dépôts qui lui avaient été confiés à leurs ayants droit. Il embrassa l'islam, puis émigra à Médine et reprit sa femme Zaynab, 3 ans et demi après l'avoir envoyée, sous la demande du prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine. Il ne fut pas établi un nouveau contrat de mariage, car le verset relatif à l'interdiction du mariage entre une femme musulmane et un incroyant n'avait pas encore été révélé à cette époque. Au mois de Jumad al-Akhira de la même année, Zayd partit à la tête d'un détachement de 15 hommes. Il se dirigea vers At-Tarf ou At-Tarq, où résidaient les Banu Tha'laba, qui prirent la fuite, craignant l'attaque de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le détachement de Zayd s'empara de 20 chameaux. Sa mission dura 4 jours. Au mois de Rajab suivant, Zayd, une nouvelle fois encore, se rendit avec 12 autres musulmans à la vallée d'Al-Qura en mission de reconnaissance pour observer les mouvements de l'ennemi. Mais les habitants de la vallée d'Al-Qura les attaquèrent et 9 musulmans furent tués, tandis que les autres, y compris Zayd ibn Haritha, parvinrent à s'échapper. La Sarriya d'Al-Khabt partit de Médine pour intercepter une caravane de Quraysh. Cela se passa avant la conclusion du pacte d'Al-Hudaybiyah en l'an 6 de l'Hégire et non, comme disent certains, au mois de Rajab de l'an 8. Car après Al-Hudaybiyah, les musulmans ne s'attaquèrent plus aux biens de Quraysh. À ce sujet, Jabir dit « Le prophète alayhi salatu wassalam nous envoya avec 300 cavaliers. Sous le commandement d'Abu Ubaida ibn al-Jarrah, nous étions chargés d'observer une caravane appartenant à Quraysh. Une faim violente nous tenailla tant et si bien que nous fûmes obligés de nous nourrir de rapt, de fruits gaulés. Notre armée en fut amenée à être appelée l'armée d'Al-Rapt. Ensuite, quelqu'un égorgea 3 moutons, puis égorgea 3 autres moutons et encore 3 autres moutons, mais Abu Ubaida lui interdit de continuer. Par la suite, la mer rejeta à notre profit un animal dénommé Ambar, un cachalot, et dont nous mangeâmes pendant 15 jours. Nous en utilisâmes tellement la graisse comme pommade que nos corps s'en trouvèrent raffermis et bien portants. Abu Ubaida prit une des côtes du cachalot et fit passer en dessous le plus grand des chameaux monté par le soldat le plus grand de l'armée du point de vue de sa taille. Ensuite, munis d'une provision de la viande du cachalot coupée en tranches et séchée, nous rentrâmes à Médine où nous rapportâmes l'événement au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Celui-ci dit « C'est un moyen de subsistance qu'Allah vous a fait sortir de la mer. Je veux en manger. » Nous lui fîmes alors parvenir une partie de la viande.